Le groupe de félicitations et la délégation des vieux cadres de l'Association générale des Coréens en Chine pour les célébrations de la Journée du Soleil ont offert le 19 courant la lettre au dirigeant suprême Kim Jong-un. Ils ont indiqué notamment « Les célébrations de la Journée du Soleil ont manifesté dynamiquement dans le monde la force de l'unité monolithique des militaires et civils coréens, unis fermement autour du dirigeant suprême, et la dignité de la Corée du Soleil en progression énergique vers la victoire finale de l'édification d'une puissance socialiste grâce à la capacité de se renforcer soi-même. » Au cours de notre séjour dans la patrie, nous avons ressenti vivement le grand amour et la confiance du respecté maréchal. Nous renforcerons l'Association générale des Coréens en Chine, fondée et conduite par les grands leaders, en organisation des compatriotes fidèles à la direction du respecté maréchal. Finalement, les destinataires ont souhaité sincèrement santé au maréchal Kim Jong-un, dirigeant suprême de la nation coréenne et père affectueux des Coréens en Chine.